السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. Nous entrons aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chapitre numéro 19, concernant la menace sur celui qui adore Allah auprès de la tombe d'un homme pieux. Que dire donc du fait de l'adorer? Concernant la menace sur celui qui adore Allah auprès de la tombe d'un homme pieux, que dire alors, ou bien que dire donc du fait de l'adorer? ما جاء من التغليظ أي التشديد في من عبد الله أي قام بعبادات تعبدا لله وحده كالصلاة وقراءة القرآن والصدقة والدعاء عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده أي الأمر أعظم وأشد. Donc pour expliquer le titre, concernant les textes et la dureté des textes qui sont venus au sujet de la personne qui adore Allah, c'est-à-dire fait des actes d'adoration comme la prière, l'invocation, l'aumône, dans un endroit bien précis. Le cimetière, où il y a la tombe de personnes pieuses. Donc l'auteur ici nous dit qu'il y a des textes menaçant la personne faisant cela. Puis il conclut ce titre en disant « Fakayfa idha abada » Si une menace sévère a été adressée à ceux qui adore Allah Azza wa Jal sincèrement auprès de tombes de personnes pieuses, que dire alors de celui qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Sans aucun doute, son cas est plus grave. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. Dhakara al-mu'allif rahimahullah ta'ala hadha al-bab fi kitab at-tawhid لبيان أن العبادة وإن كانت خالصة لله عز وجل ولكن عند قبر أو قبر رجل صالح هذا من الوسيلة إلى الشرك بالله العظيم. إذن هي بيان أن عبادة الله عند قبر رجل صالح وسيلة إلى الشرك المنافي للتوحيد. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala a cité ce chapitre dans son livre, le livre de l'unicité, afin de nous montrer que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala auprès de la tombe d'une personne pieuse est une cause pouvant faire tomber ces gens dans le polythéisme majeur, celui qui annule l'unicité de la personne. إذن هذا الباب في ذكر وسيلة من وسائل الشرك تحذيرا من ذلك. Donc l'auteur a cité ce chapitre afin de nous montrer, ou bien afin de nous mettre en garde contre une cause majeure pouvant faire tomber la personne dans le polythéisme. وكل ذلك نصحا للأمة Tout ceci pour conseiller les musulmans et préserver l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وتعلمون جميعا أن بعض الناس في ظنهم أن هذه الأماكن مباركة وأفضل من غيرها. Et vous avez certainement entendu parler, ou plutôt vous avez certainement dû remarquer, que bon nombre de personnes ont comme croyance que ces endroits-là sont bénis. Proche des tombes, cimetières, il y a la tombe d'un tel parmi les pieux et la tombe d'un tel parmi les saints. Et ils ont comme croyance que d'adorer Allah Azza wa Jal dans cet endroit a plus de mérite, ou que l'action sera mieux acceptée chez Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc l'auteur a cité ce chapitre afin de mettre en garde contre les causes pouvant mener et entraîner dans le polythéisme. Pareillement pour le chapitre à venir. Pareillement pour le chapitre à venir. Et dans tout cela, on va voir les efforts fournis du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'appel au tawhid, la mise en garde contre le shirk et la préservation de la pureté du message de l'islam, qui est basé sur un asl azim, al-ikhlas lillahi rabbil alamin fi jami'il ibadat. On va voir combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fatigué afin de préserver cette base sur laquelle repose tout l'islam, qui n'est autre que la sincérité et le fait de vouer le culte à Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Donc on met en garde contre toute chose, non pas, non, on met en garde contre le polythéisme, mais en plus de cela, contre les causes pouvant entraîner la personne dans le polythéisme. On ferme toutes les portes du shirk et toutes les portes pouvant faire tomber la personne dans le shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis le début de son message, et comme on le verra dans ce hadith, jusqu'à son dernier souffle, a mis en garde contre le shirk. Subhanallah. C'est la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des prophètes et messagers avant lui. Il a cité ce sujet, a mis en garde contre ce sujet, a démontré sa gravité, c'est-à-dire le shirk, et a exprimé cela de manière différente. Il l'a cité, l'a répété sans cesse. Même dans les affres de la mort, il n'a pas été distrait de la mise en garde contre le polythéisme. Wallahu musta'an. Munasabatu hadha al-bab lima qabla, concernant le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres passés, بيان أسباب ووسائل الشرك. Donc nous sommes toujours dans la démonstration des causes pouvant entraîner la personne dans le polythéisme. Nous avons vu auparavant que l'exagération à l'égard des personnes pieuses fut la cause ou a été la cause de la naissance du shirk sur la terre dans le peuple auquel a été envoyé qui? Nuh alayhi salam. Les représentations et l'exagération à l'égard des saints, le fait de rester auprès des tombes, a donné naissance au polythéisme majeur. Puis l'auteur a cité Fitnatul Qubur, le grand trouble qu'il y a avec les tombes. Ici. Dhakar al-Shir. Donc, l'auteur a cité ce chapitre pour montrer deux choses. Premièrement, préserver les causes, ou bien plutôt éloigner les gens des causes pouvant les faire tomber dans le polythéisme, c'est-à-dire adorer Allah Azza wa Jal auprès de la tombe d'une personne pieuse. Et deuxièmement, pour mettre en garde contre l'adoration des saints, des morts. Et ceci est pire encore. Il a commencé en citant un hadith azim, jiddan. قال رحمه الله في الصحيح أي في الصحيحين. Ce hadith n'est pas que dans Sahih Bukhari mais également dans Sahih Muslim. عن عائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق يا زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها est la mère des croyants. L'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La femme préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la femme la plus savante de toutes les communautés. Anna Umma Salama, donc Aisha radiallahu anha, rapporte que Umma Salama ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم rapporte que Umm Salama a mentionné au prophète صلى الله عليه وسلم avant de continuer le hadith qui est Umm Salama. Umm Salama إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. Umm Salama est l'une des épouses du prophète صلى الله عليه وسلم. Umm Salama est sa kunya. Wa واسمها هند هند بنت أبي أمية وهي مخزومية قراشية. Donc elle se nomme Hind. Elle fait partie de la tribu de Quraysh. Elle est décédée en l'an 62 رضي الله عنها. Elle fait partie de ceux qui ont fait la petite hijra في الحبشة. Elle fait partie de ceux qui ont fui avec leur islam lorsque les musulmans étaient persécutés à la Mecque. Une partie d'entre eux se sont sauvés. Fil Habasha. Elle est partie avec son époux et un groupe de compagnons qui était donc Abu Salama. Lors du décès de Abu Salama, radiallahu anhu, qui faisait partie des grands compagnons, elle a été attristée, comme on s'attriste du décès d'une personne pieuse, que dire alors si c'est l'époux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelée à l'endurance et a abandonné son affaire à Allah azza wa jal en lui disant de dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khayran minha. Oh Allah, c'est Allah qu'on appartient, vers lui que se fera notre retour. Oh Allah, rétribue-moi dans cette épreuve et remplace-moi ce que j'ai perdu par mieux. Et il fut dit qu'elle a dit, et qui pourrait être mieux que Abu Salama? Subhanallah. L'éloge d'une femme pieuse à un homme pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de dire la dua. Et lorsque tu fais dua, la réponse ne t'appartient pas, et Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, dans un malheur, peut te donner un bien que tu n'imagines même pas. Dans un malheur, peut te donner un bien que tu n'imagines même pas. Qui est-ce qui par la suite l'a demandé en mariage? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidul Khalq. Et sans aucun doute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que Abu Salama radiallahu anha. وبعد الشدة يأتي الفرج le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Umm Salama ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة كنيسة معبد النصارى رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أولئك بالكسر لأنه يخاطب أم سلمة أو جنس الناس أولئك يجوز هذا أيضا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح شك من الراوي بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. الحديث ينتهي هنا. ثم فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا ليس من الحديث. Donc dans le recueil de hadith authentique, c'est-à-dire de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, Aisha radiallahu anha apporte qu'Umm Salama radiallahu anha a mentionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam une église qu'elle a vue en terre d'Abyssinie, car ils avaient fui avec leur religion dans cet endroit. وَمَا فِيهَا مِنَ الْقُبُورِ, et dans laquelle elle a remarqué la présence d'images et de représentations. Donc comme on connaît cela des chrétiens, dans leurs églises, il y a la représentation de personnes pieuses et de prophètes, que ce soit imagé en photo ou que ce soit représenté en statue. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, donc pour lui expliquer ce qu'elle a vu, ce sont ces gens-là qui, lorsqu'un homme ou un serviteur pieux meurt parmi eux, construisent un lieu de prière. On va expliquer le terme masjid autour de sa tombe. Et ils façonnent ces images. Ce sont eux les pires créatures auprès d'Allah. Ce sont eux les pires créatures auprès d'Allah. Subhanallah. Ici, est-ce qu'on parle de ceux qui ont adoré, est-ce que dans le hadith on dit qu'ils ont adoré autre qu'Allah Azza wa Jal ou pas? On ne nous dit pas qu'ils ont adoré autre qu'Allah Azza wa Jal, mais qu'ils adorent Allah Tabaraka wa Ta'ala en ayant construit sur ses tombeaux et en ayant mis des représentations dans les endroits où ils font leurs adorations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, ce sont les pires des gens auprès d'Allah. Subhanallah. فقال أولئك بالكسر إذا كان الخطاب لأم سلمة ويجوز أولئك بالفتح إذا كان الخطاب باعتبار الجنس أي عام. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. المعنى هنا المسجد لغة أي مكان السجود, مكان التعبد والتذلل والخضوع, هذا معنى المسجد. أي يجعلون على قبره مسجدا, والمسجد في اللغة مكان العبادة, مكان السجود, مكان التذلل والخضوع, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا, كما قال الحديث où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et on m'a rendu la terre un lieu de prière. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le mot ici masjid pour parler de la terre, exception faite des textes et amadha des cimetières et du hammam, comme c'est venu dans le hadith, donc on a appelé chaque endroit où tu peux prier masjid. صوروا فيه تلك الصور. Donc, lorsqu'une personne pieuse ou un serviteur pieux meurt parmi eux, ils construisent un lieu de prière. Un lieu pour adorer Allah, s'y prosterner, y prier, s'humilier. En plus de cela, sur ce lieu, ils mettent des représentations et des images. Les images de qui? Soir haoula as-salihin, les images et les représentations de ces personnes pieuses décédées. Ala quburihim, où est-ce qu'ils mettent ces représentations? Sur leur tombe, ou autour, ou au-dessus, sur la construction, sur les murs, et autres. Limadha kay yadullu an-nas ilayha wal-iyadu billah wa ila ta'zimiha. Donc pourquoi est-ce qu'ils mettent ces représentations? Afin d'orienter les gens vers à l'immensification de ces personnes pieuses, à les adorer au final. Et sans aucun doute que l'exagération à l'égard des tombeaux et des personnes pieuses est une des plus grandes causes, si ce n'est la plus grande, du polythéisme. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam à donner le jugement de ceux qui font cela. En disant, Oulaika shirarul khalqi indallah. Ces gens-là, donc ceux qui construisent suite au décès d'une personne pieuse, sur sa tombe un édifice dans lequel ils adorent Allah Azza wa Jal et ils représentent ces personnes pieuses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ces gens-là sont les pires des créatures chez Allah. نسأل الله العفو والعافية نسأل الله يجنبنا الشرك ما ظهر منه وما بطن ويوفقنا إلى تحقيق التوحيد حتى نلقاه. Pourquoi cela, chers frères? لأن هذا العمل وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. Cela car c'est une cause entraînant les gens dans le polythéisme majeur. De venir dans cet endroit où il y a des tombeaux de personnes pieuses, où les gens exagèrent à l'égard de ces saints, la finalité c'est quoi? Ash-shirku billah, les gens se mettent à adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. Et Shaitan a plus de facilité à les troubler dans leur religion. Ma'a annahum lam ya'budu al-maqbourin. Et gardez à présent dans votre esprit que ces gens-là, on ne nous cite pas dans le hadith qu'ils ont adoré qu'Allah Azza wa Jal. Malgré ça, voici le jugement. Ce sont les pires des gens, plutôt des créatures, auprès d'Allah. لِأَنَّ الْوَسَائِلَ لَأَحْكَامَ الْمَقَاصِدِ كَمَا ذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَهَذَا الْعَمَلُ وَسِيلَةٌ مِنْ وَسَائِلِ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَإِذَنْ هُوَ وَسِيلَةٌ إلى أظلم الظلم وأكبر الكبائر وأعظم الذنب الذي عصي الله به فجدير بهم أن يكون لهم أو يصدق فيهم هذا الوصف. C'est une cause de quoi donc? Du pire péché, de la pire injustice, du polythéisme majeur. Ils ont donc mérité ce jugement. Ils viennent contredire et entraîner les gens dans la pire chose contre laquelle a été envoyé non seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également l'ensemble des prophètes et messagers. Ash-shirkul akbar. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite tout ça? Li-tahdhir, il nous met en garde contre ces agissements. Il nous met en garde contre le fait d'exagérer à l'égard des saints, des tombeaux. Il nous met en garde contre la construction au-dessus des tombeaux. Wallah musta'an, et c'est au jour d'aujourd'hui. Tu parcours la terre d'Allah Azza wa Jal, tu te rendras compte que dans de nombreux pays, tu y trouves qu'ils ont construit sur les tombeaux et qu'ils ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils sont rentrés dans ce jugement. Et si je prenais le temps d'énumérer les pays où il y a cela, on ne pourrait pas continuer ce hadith. Wallahu musta'an. Et même si ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite que cela a eu lieu fi Ardi al-Habasha qui à l'époque était habité par les chrétiens, n'oubliez pas qu'il nous a dit « Assurément vous allez suivre les traces de ceux qui sont passés avant. » Donc, il nous met en garde contre cet agissement. Ne dites pas, oui, mais cela concerne un autre peuple. Non, il y a une mise en garde également pour notre communauté. Pour expliquer cela, l'auteur nous dit « فَهَاُولَا جَمَعُوا بَيْنَ الْفِتْنَتَيْنِ فِتْنَةِ الْقُبُورِ وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيلِ هذا القول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبنحوه قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في طريقة الهجرتين كما فاد أهل العلم. Cette parole n'est pas la parole, donc n'est pas la suite du hadith, mais plutôt une parole que l'auteur Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala nous cite. Et elle est attribuée à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc notez bien cela. Ça fait partie des paroles de Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, une parole très proche de celle-ci. Il nous dit, ces gens ont donc réuni deux calamités, deux grands troubles. La calamité des tombes et la calamité des images. La fitna des tombes et la fitna des représentations. Et on a vu à travers le livre que ces deux choses-là font partie des causes entraînant les gens dans le polythéisme majeur. Une fitna dans Tawhid al-Rububiyya et l'autre dans Tawhid al-Uluhiyya. Copier la création d'Allah tabaraka wa ta'ala et donner un égal à Allah azza wa jal également dans le culte. Et pourquoi est-ce qu'il a appelé cela fitna ? لأنها تصدهم عن دين الله والفتنة تصدك عن دين الله سبحانه وتعالى كما قال الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات في سورة البروج أي صدوهم عن دين الله سبحانه وتعالى. Donc المعنى الإجمالي ici, le prophète صلى الله عليه وسلم, une faïda que j'ai oublié de vous citer, ذكرت أم سلمة هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. À quel moment est-ce que Umm Salama racontait cela au prophète صلى الله عليه وسلم et lui de lui répondre ainsi, dans sa maladie de mort. Dans sa maladie de mort. Donc Umm Salama رضي الله عنها ذكرت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ما رأت وشاهدته في الحبشة عند النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته في معبد النصارى من التصوير فبين له النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك وهو الغلو في الصالحين مما أدى بهم إلى بناء المساجد على قبورهم ونصب صورها عليها ثم بين الحكم وأنهم شرار الخلق عند الله لجمعهم بين محظورين عظيمين من وسائل الشرك فتنة القبور باتخاذها مساجد وفتنة تعظيم ماذا أهلها والتماثيل. Donc Umm Salama رضي الله عنها ici a raconté au prophète صلى الله عليه وسلم ce qu'elle a vu dans les endroits d'adoration des chrétiens comme représentation, exagération à l'égard de des personnes pieuses et des saints. Alors le prophète, et elle lui a cité cela dans sa maladie de mort. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a cité la raison de leur agissement en disant que c'est dû à l'exagération qu'ils ont à l'égard de leurs personnes pieuses, au point d'avoir construit des édifices sur leur tombe. Et il nous cite également le jugement que ce sont les pires des créatures auprès d'Allah, du fait qu'ils ont uni entre eux deux grandes causes ayant fait tomber les gens dans le polythéisme. L'exagération à l'égard des tombes et les représentations. Amma munasabatul hadith lilbab fihi dilalatun ala at-taghlid. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ulaika shirarul khalqi 'inda Allah. Hadha huwa ash-shahid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous a cité la sévérité du jugement de ceux qui ont exagéré à l'égard des personnes pieuses en construisant des édifices sur leurs tombeaux pour y adorer Allah azza wa jal, en disant ce sont les pires des créatures auprès d'Allah. Wa fi dilalatun wadiha ala al-man'i min 'ibadati Allah azza wa jal fi hadhihi al-amakin. وفي المقابر On y voit également l'interdiction d'adorer Allah Azza wa Jal dans les tombes, dans les cimetières, ou prendre les cimetières en lieu d'adoration. Et que ceci est l'habitude des chrétiens. Il nous met donc en garde contre ces agissements. Sallallahu alayhi wa sallam. أما ما يستفاد من الحديث المنع من عبادة الله عند قبر رجل صالح لأن هذا من وسائل الشرك وأنه من فعل النصارى. Parmi ce qu'on peut tirer de ce hadith, l'interdiction d'adorer Allah Azza wa Jal dans les tombeaux ou auprès des tombes dans les cimetières. Et que ceci est là l'habitude des chrétiens. التحدث مما يفعل الكفار ليحذره المسلمون. Le fait de citer ce que font les associateurs afin de mettre en garde les musulmans monothéistes contre ces actions. التحذير من التصوير ونصب الصور لأن ذلك من وسائل الشرك. La mise en garde contre les photos, les représentations, les statues. Car tout ceci entraîne et peut faire tomber les gens dans le polythéisme. الذي يبني شيئا على قبر أو بناء مسجد على قبر رجل صالح. نعم الذي يبني على يعني مسجدا على قبر رجل صالح هو شر الخلق عند الله. On tire de ce hadith que celui qui construit un édifice sur une tombe, un lieu d'adoration, est la pire créature auprès d'Allah. Comment vont pouvoir se défendre ceux qui immensifient les saints en ayant construit ce qu'on voit dans de nombreux pays? Qu'est-ce qu'ils vont dire yawm al-qiyam à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils vont être questionnés? Comment est-ce qu'ils vont se défendre alors que nous avons ces hadiths et beaucoup d'autres? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir répondre alors qu'Allah Azza wa Jal n'a pas envoyé les messagers si ce n'est pour mettre en garde contre ceux-là? Sallallahu alayhi wa sallam. واتخاذ القبر مسجدا له صور عديدة. Écoutez, notez et comprenez bien. Le fait de prendre une tombe en lieu de prière et d'adoration se manifeste de plusieurs façons. Notez-les. Oulaha bi salati alayha ala al-qubur wa hiya afdha'uha wa ashna'uha. Il y a plusieurs façons d'entrer dans cette situation. A'adhan Allah wa iyyakum min dhalik. Allah nous en préserve. Premièrement, celui qui se rend au tombeau et prie dessus. C'est la pire des formes. Donc le fait de prendre la tombe en lieu de prière à plusieurs plusieurs cas entrent dans cette situation. Le premier, c'est le fait de se rendre au cimetière et de prier directement sur la tombe. C'est la pire des formes. Mais alhamdoulilah n'est pas énormément répandu. Deuxièmement, إذن هذا الصلاة على القبر. ثانيا الصلاة إلى القبر أي يتخذه قبلة للصلاة. Deuxièmement, le fait de prendre la tombe en lieu de direction pour la prière, comme une qibla pour la salat. أو الصلاة في أوساط القبور ou de prier dans un cimetière au milieu des tombes. Donc le fait de prendre la tombe en lieu de direction pour la salat, en lieu de qibla pour la salat ou de prier au milieu des tombes, sans prier sur la tombe directement. أيوة هذه السورة الأولى فوق القبر. يعني كما ترى في المقابر إذا لم يدفن الميت على طريقة شرعية كيف يكون؟ يعني أوسع وله يعني بناء صحيح؟ فيأتون في هذه الأماكن ويصلون عليها مباشرة. هذه هي السورة الأولى. الثانية لا يصلي على القبر لكن يكون في مكان ويستقبل القبر. واضح؟ Donc la deuxième forme, il ne se met pas sur la tombe ou sur l'édifice qui est élargi, mais il se met dans un endroit et se dirige vers une tombe. Ou il prie dans un cimetière et il y a des tombes autour de lui. وذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه معلقا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنسا يصلي إلى قبر فقال له في أثناء الصلاة القبر القبر أي احذر القبر احذر القبر وهو يصلي حذره من ذلك لشدة الأمر. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أسيتي dans son صحيح que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a vu un jour Anas radiallahu anhu en train de prier. Zakarahu al-Bukhari mu'allaqan wa wasalahu Ibn Abi Shayba ou ghayruh. Tayyib. Donc Omar ibn al-Khattab a vu le prophète afwan Omar ibn al-Khattab a vu Anas radiallahu anhu en train de prier. Et il y avait dans sa direction une tombe. Pendant sa prière, c'est-à-dire pendant que Anas radiallahu anhu effectuait sa prière, Omar ibn al-Khattab lui a dit, la tombe, c'est-à-dire fais attention à la tombe, fais attention à la tombe. Il n'a pas attendu la fin de sa salat. Tellement que cette chose est grave, il l'a mis en garde contre cette action. Et ne pensez pas qu'Anas radiallahu anhu, sahab al-Jalil, a fait cela volontairement, non. Mais forcément il a été distrait de cette chose-là. N'a pas fait attention, il ne l'a pas vu, ou autre, comme les savants ont expliqué. Et quel mal on pourrait penser d'un sahabi qui a vécu ses premiers jours auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il est resté au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après a été éduqué. Wa inda muslim, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. Dans صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم nous dit ne priez pas en direction des tombes. Ne priez pas en direction des tombes. C'est-à-dire ne prenez pas en tant que qibla les tombeaux. Et le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit وكل الأرض مسجدون إلا المقبرة والحمام. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit et toute la terre masjid. Quel est le sens de masjid ici? Un endroit de prière, un endroit où on peut faire la prière. D'accord? Sauf les cimetières et al-hammam, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont traduit l'endroit où on fait ses besoins. Akhrajahu al-khamsa illa an-nasa'i. Et parmi les choses qui nous montrent l'interdiction de prier dans les cimetières, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous dit ja'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha quburan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous encourager à faire des prières surrogatoires chez nous, pour de nombreuses sagesses, nous dit faites une partie de vos prières dans vos maisons, c'est-à-dire des prières surrogatoires. Et n'en faites pas des tombes, n'en faites pas des cimetières, pardon. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a dit n'en faites pas des cimetières? Naam. Car on ne prie pas autre que salat al-jinaza dans les cimetières, barakallahu fik. Rawah al-Bukhari. Quelle est la illa? Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit tout cela? لأن هذه الأفعال من وسائل الشرك بالله العظيم الأحد. Car toutes ces actions sont des causes qui peuvent faire tomber la personne dans l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فالصلاة في مسجد بني على قبر la tajouz wa la tasih ala sahih. Donc de prier dans une mosquée qui a été construite sur une tombe, où il y a une tombe, est une action interdite. Et cette prière n'est pas acceptée. Elle est invalide. Également, idha dufina al mayyit في مسجد وهذا لا يجوز يجب نبشه وإخراجه من المسجد ودفنه في مكان آخر في مقبرة. Et dans le cas, donc la deuxième situation, dans le cas où une personne a été enterrée dans une mosquée. Premièrement, je ne sais pas si je l'ai dit en français, si des gens construisent une mosquée où il y a une tombe, car lorsqu'il y a une tombe, c'est un cimetière, khalas. Même s'il y a une seule tombe, ça s'appelle un cimetière. Deux, trois, c'est un cimetière. Donc la personne qui construit une mosquée à cet endroit, il y a donc des tombes, il a fait une action interdite dans l'islam. Deuxièmement, nous n'avons pas le droit d'y prier. Troisièmement, celui qui prie dans cette mosquée-là, sa prière n'est pas valide. Sa prière n'est pas valide. وَيَجِبُ هَدْمُ الْمَسْجِدِ. Quatrièmement, on a l'obligation de détruire cette mosquée. Pourquoi? Parce que c'est une maqbara. C'est un cimetière. Nous avons l'obligation de détruire cette mosquée qui a été construite sur une tombe. C'est clair? La situation inverse, dans le cas où il y a une mosquée de construite, et qu'on y enterre une personne. On enterre une personne dans la mosquée. Premièrement, ceci est interdit. Deuxièmement, nous avons l'obligation de déterrer ce mort et de l'enterrer à nouveau dans un autre endroit. Voilà. فَأَيْنَ الصُّوفِيَّةَ الضلال من هذه الأحكام الشرعية النبوية المباركة. Où sont donc les soufis? وأشد منهم أين الرافضة الضلال المشركون من هذه النصوص والشيعة المبتدعة الظلمة من هذه النصوص. La shakkannahum dallu wa adallu kathira. Sans aucun doute, ils se sont grandement égarés. Wa rajjaha kulla dhalika al-allamah Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kharij al-masjid? Ma fi shay. Sayati hadha سيأتي هذا في قرية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها وأنها قسمت البيت اثنتين. طيب جهة صارت مقبرة بعد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ماذا أبي بكر وعمر وقسم ماذا بقي بيتا لها. لكن ماذا ستارا كان بينهما ثم جدارا لا إذا كان قال أهل العلم إذا كان محددا فهو ما ماذا يعني صون هكذا ما في بأس مثلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ماذا أبعد منه ماذا فيه ها البقيع المقبرة طيب لكن المقبرة انفصلت عن المسجد ما في مشكلة لأن العلة ماذا فتنة ماذا الفتنة في وقوع في الشرك J'ai cité deux situations qu'on appellera construire sur une tombe ou bien prendre la tombe en lieu d'adoration. Lesquelles ? Première situation, c'est quoi ? Prier sur la tombe. La deuxième ? En direction de la tombe. La troisième, notez, Bina al-Bina ou al-Qabr. Le fait de construire un édifice sur cette tombe. Ces trois formes entrent dans le fait de prendre la tombe en lieu d'adoration. فعلى القبوريين المشركين أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجعوا إلى الإسلام والتوحيد. Donc tous ceux qui font partie des adorateurs des tombes, des saints et de ceux qui exagèrent dans les cimetières se doivent de revenir à l'islam car ils sont associateurs, de se repentir et de revenir au tawhid. وبالله التوفيق. Ils ont plusieurs ambiguïtés. Ils ont plusieurs ambiguïtés pour essayer de véhiculer que il y a la permission d'adorer Allah Azza wa Jal auprès des tombeaux. C'est batil, bien évidemment. Ça contredit asl al-islam. Comment une chose qui vient à l'encontre des bases de l'islam pourrait être ماذا authentique. Leur première ambiguïté, c'est qu'ils disent que fi Masjid al-Haram, où il y a le Kaaba, il y a des tombeaux. D'accord ? Des fois, certains avis n'ont pas besoin d'être réfutés. Le simple fait de citer cet avis le fait tomber de lui-même. Voilà. Ça, c'est batil, c'est faux. Ça n'est que pur mensonge pour ne pas dire illusion. Une choubha qu'ils ont, c'est concernant la situation de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour ceux qui ne savent pas, après la madha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parmi ses épouses Aïcha, là n'est pas l'information, qui avait donc ses appartements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé où ? Dans sa chambre. D'accord ? Il est décédé chez Aïcha radiallahu anha. Subhanallah. Les compagnons ont divergé sur le comportement à adopter face à cette situation. Où est-ce qu'on va enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? C'est alors qu'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été transmis. C'est que lorsqu'un prophète décède, on l'enterre dans l'endroit où il est décédé. Alors il l'a enterré où ? Dans la chambre, dans une partie de la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez l'une de ses épouses qui est Aïcha radiallahu anha. Ils disent, donc les adorateurs des tombeaux, qu'on fait la prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans la mosquée, et il n'y a aucune divergence chez les savants pour dire qu'on a le droit de prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous avez compris l'ambiguïté? C'est de prétendre que dans le Masjid al-Nabawi, il y a une tombe. D'accord? Et que la pièce de Aïcha était petite, et qu'elle y faisait la prière, donc elle priait où il y avait une tombe. C'est compris? Ils disent que chez Aïcha c'était petit, et que Aïcha faisait la prière dans sa pièce, donc il y avait une tombe. Donc il y avait une tombe. Naam. Pour répondre à cela, la pièce de Aïcha n'était pas petite, premièrement. Deuxièmement, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a séparé l'appartement de Aïcha en deux. Et on y a mis un sitar, un voile, un rideau, une cloison. Une partie où il y avait la tombe et une partie où elle vivait. Et si, chez elle, on pouvait la voir la tombe en la visitant, pourquoi est-ce que Urwa, son neveu, lorsqu'il est venu la visiter, et sans aucun doute il y ait les liens de parenté, pourquoi est-ce qu'il lui a dit « Fais-moi montrer la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». En quoi est-ce qu'il y a une preuve que sa pièce n'était pas petite et qu'il y avait une séparation? Toi, une personne proche de ta famille qui te visite régulièrement, elle vient et ne voit pas une chose qu'il y a dans ta pièce? Est-ce que c'est possible ou pas? C'est pas possible. Donc s'il lui a demandé de lui faire voir, c'est qu'il y avait une séparation. Et ceci suffit comme réfutation. Donc, sa pièce n'était pas où il y avait Mada al-Qabr. Mais sa maison a été séparée en deux. Une pièce où il y avait la tombe du prophète sallallahu, où il y a la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'autre pièce où elle vivait. Donc il y avait bien une séparation entre les deux. J'ai dit Urwa, je me suis trompé, c'est le Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Radiallahu anhu. Al-Qasim, il fait partie de Fuqaha Sab'a. Ibn Muhammad. Muhammad, c'est qui? Le frère de Aïcha radiallahu anhu. Donc, Al-Qasim, c'est qui pour Aïcha? C'est son neveu. Wadah. Donc, il l'a visité, lié les liens de parenté. Et il lui a dit, Ikshifili an qabri nabi sallallahu alayhi wa sallam. Oh ma tante, fais-moi montrer. Dévoile-moi la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc pour la voir. Idhan huwa makanun mustaqil. Ceci est une preuve très forte, réfutant al-Quburiyyin. Troisièmement, pour répondre à la prétention que dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une tombe et qu'on y adore Mada Allah Azza wa Jal dans cette mosquée en faisant la prière. D'accord? Je répète donc, notre ambiguïté c'est de prétendre que dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une tombe et que sans aucune divergence, on peut y accomplir la prière. Les savants ont répondu. Celui qui connaît At-Tarikh, celui qui connaît l'histoire, saura que ni l'un ni l'autre a été construit l'un sur l'autre. Sahih? Est-ce que on a construit la mosquée sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui ou non? Non. Est-ce que la mosquée a été construite sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que la tombe a été introduite dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'elle fut construite? ni l'un ni l'autre. Mais il y avait la mosquée, il y avait la maison de Aïcha. Il y avait la mosquée et il y avait la mosquée et la maison, la demeure de Aïcha radiallahu anha. Puis la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant la conversion en masse des gens et le grand nombre de visiteurs se trouva trop petite. Alors ils ont fait quoi? Ils l'ont agrandi. D'accord? Ils ont agrandi la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam deux fois. La première fois fi ahdi Umar radiallahu anhu. La deuxième fois fi ahdi Uthman radiallahu anhu. Subhanallah. Mana'u Uthmana min al-dhahabi ila al-masjid fi قصة مقتله وهو من من وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله المستعان. Ici on voit que ماذا donc je disais que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été agrandie à deux moments au temps des compagnes. Premièrement en temps d'Omar radiallahu anhu et deuxièmement en temps de Uthman. Mais ils n'ont pas touché la maison de Aïcha radiallahu anha. Ila khilafati al-Walid ibn Abd al-Malik. Jusqu'à l'époque de al-Walid, qui est le fils de Abd al-Malik. D'accord? Rahimahumullah, qui a donc ordonné à ce qu'on agrandisse à nouveau ma'adha la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce qui était l'amir à cette époque à Medina? Omar ibn Abdel Aziz rahimahullahu ta'ala. Donc on leur a ordonné d'agrandir la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Al-Walid rahimahullah qui a élargi la mosquée au point de toucher la demeure de Aïcha radiallahu anha. Certains historiens ont dit cela a eu lieu en l'an 86. D'autres ont dit plutôt en 87. Et d'autres ont dit bien plus tard, en 91. Et ceci a eu lieu durant environ 2 années. On est les travaux. Ou 3 années. Lorsqu'il y a eu cela, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore vivant? Non. Est-ce que cela fut avec l'agrément des compagnons? Non. Et sans aucun doute, les salafs n'ont pas agréé cela. Mais c'était lui le gouverneur, il a agi ainsi, rahimahullah. Donc on ne peut pas utiliser cela en tant que preuve. On ne peut pas utiliser cela en tant que preuve pour dire que nous pouvons donc, ma'adha, adore Allah Azza wa Jal auprès d'une tombe. Et même avec, malgré ça, on ne dit pas que la tombe est dans la mosquée. On continue madame cette argumentation. À cette époque, il y avait parmi les salafs comme tu as dit Saïd ibn Musayyib wa Urwa ibn Zubayr et d'autres min afadil at-tabi'in. Donc sans aucun doute, ils n'ont pas agréé cela. Ajoutez à ceci Al-Qabr lam yudkhal fi al-masjid. La tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été introduite dans la mosquée. Elle a été agrandie dans 3 axes. Mais pas au point de dépasser et d'introduire la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez, comme a donné en image Cheikh Saleh Sindi Havidahullah, une personne qui possède une petite terre. D'accord? Et se trouve à un endroit. Par exemple, à la place de ce radiateur. Il y a un grand nombre de terres autour. Donc je cite l'histoire Bil Ma'ana. Et on se met à acheter les terres avoisinantes. au point d'élargir ses terres et d'acheter les parcelles, c'est comme ça qu'on dit, les parcelles mada avoisinantes. Au point où ces parcelles se trouvent collées, d'accord, ou englobent cette terre. Est-ce qu'il conviendrait de dire que la petite terre est la grande terre, ou la grande est la petite, ou bien ce sont deux choses distinctes? Ce sont deux choses distinctes. D'accord? Donc ceci est la maison de Aïcha, et ceci est la mosquée. Les savants ont ajouté à cela que il y a une séparation dans la demeure de Aïcha radiallahu anha. Il y a eu une séparation. On a construit un mur. Donc, au début, c'était un sita. Mais après, on a carrément construit un mur au point où on ne pouvait plus voir la tombe, ni y entrer. Puis, un deuxième plus tard. Puis, il y a eu un troisième rempart. Et lorsque vous allez au Masjid Nabawi, ce que vous voyez devant n'entre même pas dans ces cloisons. Vous avez compris ? Les gens pensent qu'il y a la tombe juste derrière. Non. Il y a une grande séparation. Et après cela, il y a des cloisons. Un mur, un deuxième et une troisième séparation. Barakallahu fikoum. Donc, la tombe n'est pas à l'intérieur de la mosquée. Une autre réponse. La usallam najadalan. Donc, si nous disons, donc dans la discussion avec cette personne qui prétend que la tombe a été introduite dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on dit pour débattre avec lui que on va dire que tu as raison, d'accord, on va dire que tu as raison, que la tombe a été entrée ou introduite, pardon, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que tu peux faire une analogie en faisant la même chose pour toutes les autres tombes dans toutes les autres mosquées? Car cette situation est une situation unique. Ni la tombe n'a été construite, ni la tombe n'a été introduite, ni les morts n'ont été enterrés dans une mosquée, et ni la mosquée a été construite sur une tombe. Mais c'est plutôt l'agrandissement qui a donné lieu à cette situation que tu prétends. Ajoutez à cela que les prophètes doivent être enterrés où? Là où ils sont décédés. Est-ce que c'est la même chose pour ces gens-là? Non. Ça, c'est un hukm qui est valable pour les prophètes. Donc, tu ne peux utiliser cette situation pour établir une analogie avec les autres, faire un qiyas. Donc, qiyas un batil ma'a wujud nafi al fariq. Ils ont cité encore d'autres madha. Réponse, je vais en citer une dernière. Madha al ijma' ala jawaz as-salati fi masjid rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le consensus des savants quant à la permission et le caractère légiféré d'accomplir la prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu dis qu'il y a une tombe, on a un dalil, il y a l'ijma'. L'ijma', c'est un dalil ou pas? C'est une preuve ou pas? Oui. D'accord. Quel ijma' il y a pour prier dans les autres mosquées où il y a une tombe? Tu n'as pas de dalil, donc tu ne peux accomplir cette action. Voilà. C'est ainsi que les savants ont réfuté cette ambiguïté qui est Allah a'lam, la plus forte. Ou disons la plus troublante dans ce sujet. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit وَلَهُمَا أَيْ الْبُخَارِ وَمُسْلِمْ عَنْهَا مَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت أو ملك الموت لقبض روحه صلى الله عليه وسلم لما نزل ويجوز نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ عفوا أن يتخذ مسجدا أخرجاه أي البخاري ومسلم. الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله rapporte aussi que يعني d'après elle également c'est-à-dire Aïcha comme dans le hadith précédent que Aïcha donc a dit durant la maladie lorsque يعني plus précisément la traduction lorsqu'est descendu sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire l'ange de la mort pour récupérer son âme lorsqu'est descendu sur le messager d'Allah c'est-à-dire l'ange de la mort pour récupérer son âme sallallahu alayhi wa sallam on voit ici que l'auteur a dit walahuma lorsque tu cites un damir c'est que la chose a été citée auparavant mais c'est tellement connu Sahih al-Bukhari Sahih Muslim que c'est devenu l'istilah des muhaddithin lorsqu'on dit yani cela la première chose qui nous vient à l'esprit c'est recueil d'Imam Bukhari et d'Imam Muslim donc lorsqu'il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire l'ange de la mort afin de récupérer sa noble âme le prophète sallallahu alayhi wa sallam yani tafiqa ay ja'ala yatrahu khamisatan أي على وجهه هكذا. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé dans cette situation difficile, il a pris un vêtement, khamisa, c'est un vêtement mukhattat, qui est mada, rayé. Le khamisa en arabe, c'est le vêtement qui est rayé. Comme dans le hadith où la personne a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam une khamisa. Il a prié avec celle-ci, avec ce vêtement. Puis il l'a rendu à cette personne. Puis il l'a rendu à cette personne et lui a dit, elle m'a distrait dans ma prière. Rendez-lui et dites-lui de me donner à la place un vêtement, il n'y a pas ses représentations. Donc il a pris ce vêtement et s'essuya avec le visage. Puis lorsque celui-ci commençait à l'étouffer, qu'il le plaçait ainsi, donc sur son visage, alors il l'ôtait. Donc vous comprenez la difficulté de la situation dans laquelle il était, dans les affres de la mort, dans cette grande épreuve qui n'a d'autre suite si ce n'est la mort. Il prenait ce vêtement et le passait sur son visage et le maintenait sur son visage. Et lorsqu'il se sentait mal, ou que cela commençait à l'étouffer, il l'ôtait. Puis elle nous dit, il l'ôtait. Et azalaha an wajhi. Faqala wa huwa kadhalik, ay fi shiddati hadhihi al-hal al-harijah. Il dit alors qu'il était dans cette situation, c'est-à-dire cette grande difficulté, cette grande souffrance. La'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara. Ittakhadhu, thumma dhakara al-'illah min al-la'na, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Wa hadha ash-shahid min al-hadith. Wa hadha khabaru mujarrad aw du'a. Hadha khabaru mujarrad aw du'a. Donc Aïcha radiallahu anha nous dit, alors qu'il était dans cette situation, c'est-à-dire cette grande difficulté, il dit que la malédiction d'Allah soit sur les gens du livre. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration. On a expliqué le sens de ittikhad al-qabr masjidan. On a cité que ça englobe trois cas. Le fait de prier directement dessus, de prier en direction ou de construire un édifice sur la tombe. Soit c'est une information, c'est-à-dire le prophète sallam nous informe qu'Allah Azza wa Jal les a maudits car ils ont fait cela. Soit c'est une dua. Soit c'est une dua contre eux. Quelle est la cause qui leur a valu cette malédiction? اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. C'est comme si quelqu'un avait dit pourquoi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre car ils ont pris les lieux, ils ont pris les tombes de leurs prophètes en lieu de prière et de d'humiliation, d'adoration. Wal masajid amakin as-sujud wat-tadhallul wal-khudu' wal-ibada. Et ceci dans le cas où la personne a construit un édifice sur la tombe ou non. On ne conditionne pas que la personne ait construit un édifice sur cette tombe. Non. Le simple fait de s'y rendre pour adorer Allah Azza wa Jal leur a valu ce jugement. Celui qui en fait de même aura ce jugement, Wallah musta'an. Donc, yusalluna fiha wa ya'buduna Allah fiha. Puis elle nous dit, radiallahu anha, afin de mettre en garde contre le fait de se comporter de la sorte. Yuhadhiru ma sana'u, c'est-à-dire qu'il cite ces informations et ça a pour but la mise en garde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ses dires, nous met en garde contre ces agissements, cette façon d'agir. Et une information qui est donnée aussi sévère dans un moment où la personne a du mal à s'exprimer, dans un moment où la personne ne dira que la chose la plus importante auprès de lui, ben le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? La mise en garde contre les causes du shirk. La mise en garde contre le fait de prendre les tombes des personnes pieuses et l'élite des pieux sont les prophètes et les messagers afin d'y adorer Allah subhanahu wa ta'ala ou de construire un édifice. Tout ceci pour mettre en garde la communauté contre ce comportement. وَلَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ. Si ce n'avait été cette recommandation, c'est-à-dire la mise en garde contre le fait de construire sur les tombes et de s'y rendre pour adorer Allah Azza wa Jal. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas eu cette sévérité et n'avait pas mis en garde contre ses actions, sa tombe aurait été creusée à l'extérieur de sa demeure. Vous avez compris? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est montré sévère dans cette situation. De par sa sagesse, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a grandement mis en garde contre ses agissements. Le fait de prendre en lieu de prière les tombes des personnes pieuses et des prophètes. Ben, on nous dit ici que s'il n'avait pas fait ça, ni dit cela, il aurait été enterré dans un endroit public, comme les autres, par exemple au Baqi', ou à un autre cimetière, ou à un autre endroit. يعني معنى البروز الإظهار وبرزاء أظهر غير أنه خشية ويجوز خشية فإذا كان الضبط خشية أي خشية النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان الضبط خشية هم الصحابة رضي الله عنهم أن يتخذ يعني الضبط الأول أن يتهأن تتخذ عفوا مسجدا. Donc si ce n'avait été cette recommandation, sa tombe aurait été creusée à l'extérieur de sa demeure, mais l'on craignit qu'elle ne soit adoptée comme lieu de prière. Ou bien il a craint, il a eu peur que sa tombe soit adoptée en lieu de prière. Et sans aucun doute, dans sa maison, cette tombe a été préservée et éloignée de ses causes du polythéisme. Akhraja, c'est-à-dire l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ici, on voit une cause pour laquelle le prophète sallam a été enterré chez lui et non pas à l'extérieur. Une deuxième cause, nous l'avons citée dans le cours. Qu'est-ce qui nous la rappelle ? Naam. Au lieu où ils sont décédés. Jazakallahu khayran. C'est le hadith de Abu Bakr As-Siddiq radiallahu anhu qui a été rapporté par l'imam Ahmed. Innal anbiya yuqbaruna haythu qubidhu. Aw ma qubidha nabiyun illa dufina haythu qubidhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les prophètes sont enterrés à l'endroit où il décède. Ce hadith rapporté par l'imam Ahmed. Donc le sens général de ce hadith, أن النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على حماية التوحيد وتجنب الأمة ما وقعت به مما وقعت به ماذا أهل الكتاب من الضلالة ومن الغلو في القبور في قبور أنبيائهم حتى آل ذلك بهم إلى الشرك جعل ماذا يقول وهو في سياق الموت لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فهو في سياق الموت يحذر أمته أن لا يغلو في قبره ولا يتخذوها مسجدا ولا يصلون عنده ولا إليه كما فعل أهل الكتاب من قبل مع قبور أنبيائهم. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa grande sincérité envers cette communauté, sa grande miséricorde, sa grande pitié à l'égard des membres de cette communauté, également pour préserver ce trésor qui est Tawhid, pour mettre en garde les musulmans contre le shirk et les causes entraînant au shirk, il nous a mis en garde dans ce hadith contre l'exagération au sujet des personnes pieuses, de leur tombeau. En nous montrant, ou bien plutôt car ceci finit par en faire des lieux d'adoration. Alors, dans un moment très particulier, où il y vivait, où il subissait les affres de la mort, cette grande difficulté, il a mis en garde sa communauté contre eux, l'exagération à l'égard des saints et des tombeaux, afin qu'on ne prenne pas sa tombe en lieu de prière, ni en direction de prière, contrairement à ce qu'ont fait les gens du livre avec leur prophète. Munasabatul hadith li hadha al-bab fi al-man' wa at-tahdhir min ibadati Allah 'inda qabri rajulin salih wa huna sayyid al-anbiya was-salihin sallallahu alayhi wa sallam. Lan hadha madha min wasa'il الشرك واتخاذ قبر مسجدا. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car on y voit la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'interdiction d'adorer Allah azza wa jal auprès de la tombe d'une personne pieuse, et ici la personne la plus pieuse, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car ceci est une cause pour faire tomber les gens dans le polythéisme. Mimma istafad min al-hadith, parmi les choses qu'on tire de ce hadith, hirsu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala ad-da'wati ila at-tawhid wa shiddat ijtihad an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi at-tahdhir min ash-shirk في جميع حالاته ولو في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. On voit le plus grand prêche du meilleur des prêcheurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'il appelait les gens au tawhid, à l'adoration d'Allah azza wa jal d'un culte sincère. Dans toute situation. Et on y voit de manière claire qu'il n'a jamais été distrait, même dans ses situations les plus difficiles, ici, dans les affres de la mort, de la mise en garde du shirk. De la mise en garde du shirk. لم يغفل صلى الله عليه وسلم ساعة من هذا الأمر العظيم. Car c'est le pire péché. Et كان بالمؤمنين رؤوف ورحيم. Et il était envers les croyants miséricordieux. Comme Allah عز وجل a décrit dans le Coran. Et il sait que le pire péché, c'est shirk billah. Et il sait que si on tombe dans shirk billah, il azim, et qu'on décède sur ce péché sans s'être repenti, c'est l'enfer éternel. Donc, dans cet état, il a mis en garde contre le shirk. Jusqu'à son dernier souffle, il a mis en garde contre le shirk. Subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. إذن في شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم واعتنائه بالتوحيد وخوفه على أمتي من الوقوع في الشرك بتعظيم القبور والصالحين. Donc le prophète sallam a grandement peur pour les membres de cette communauté de la tentation des tombeaux et du polythéisme à cet endroit. التحذير من اتخاذ القبور مساجد. Mise en garde contre le fait de prendre les tombeaux en lieu de prière. Et on a cité, et je répète, qu'il y a plusieurs formes. Se prosterner directement sur la tombe, y prier directement. Prier en direction de la tombe. Et construire un édifice sur cette tombe. La permission de maudire certaines personnes. La permission de maudire certaines personnes. Et ceux qui font cette action, le fait de prendre les tombes des prophètes, des personnes pieuses, en lieu de prière. بيان الحكمة من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأن ذلك لمنع الافتتان به. On voit la sagesse pour laquelle le prophète, une des sagesses pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré chez lui, afin d'éloigner le plus possible les gens de la tentation du shirk et de tomber dans le pire péché. An-Nabi Bashar sallallahu alayhi wa sallam wa yajri alayhi ma yajri ala al-bashar min al-maut wa shiddati. On y voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une créature, est un homme comme, yani est humain comme les autres. Donc il peut subir ce que subissent les hommes. Donc il subit ce que subissent les hommes, comme douleur, comme maladie, comme difficulté, et bien évidemment la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut, comme Allah nous le dit, tout homme goûtera à la mort. لعلنا نكتفي بهذا في هذا اليوم ونكمل ما بقي إن شاء الله تعالى غدا من هذا الباب. Donc je pense que c'est mieux qu'on s'arrête là et qu'on finisse إن شاء الله تعالى le chapitre, probablement le chapitre qui suit, demain. Non. Donc ce qu'on retient, c'est la gravité du polythéisme. La gravité du polythéisme et tous les moyens mis en œuvre par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous préserver du fait de tomber dans le shirk. Il a fait toutes les causes, sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où certaines personnes, alors qu'elles s'apprêtent à revenir vers Allah Azza wa Jal, parlent de la dunya, parlent de leur famille, parlent de leurs enfants, parlent de leur passion, parlent de leur commerce, hein, ou insultent même, ou demandent à boire, ou de la cigarette ou autre, ici tu vois la créature la plus noble, la plus sincère, et le meilleur des conseils envers cette communauté qui met en garde contre eux, les causes du polythéisme. Que dire alors du polythéisme lui-même? Les causes du polythéisme. هذه هي دعوتنا يا أهل السنة. Voici notre prêche. Nous, qui nous sommes unis sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la manière dont l'ont comprise les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de mettre en garde contre le shirk. Ne rate pas une occasion de mettre en garde contre le shirk. Ne rate pas une occasion d'appeler les gens au tawhid. On a vu dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité son oncle Abu Talib, التحذير من الشرك الدعوة إلى التوحيد. Alors que son oncle était en train de mourir, il a utilisé la visite du malade pour appeler au tawhid. Dans une bataille, alors qu'un compagnon a reçu un coup d'épée sur la main, lorsqu'il a reçu ce coup, vous imaginez la douleur. Alors il a fait ce qui ressemblerait à dire ce son-là. Je ne sais pas comment on dirait ni en français ni en arabe. Vous avez compris? Lorsque tu as mal et que tu te fais mal, certains diraient aïe, d'autres feraient ce son-là. Vous savez ce que lui a dit le prophète sallam? Il a reçu un coup. Il a eu mal, il est dans une bataille. Le prophète sallam lui a dit Hallan qulta bismillah. La ilaha illallah. Hallan qulta bismillah. التذكير بالتوحيد في هذا المقام لا يقوم به إلا الكمال من الخلق إلا المصلحين من الدعاة سبحان الله هذا توفيق فعلا يعني dans une situation comme celle-ci il lui a dit si tu avais dit bismillah ça aurait été bien يعني تذكر الله tu cites Allah عز وجل dans toute situation c'est mieux. Il lui a rappelé le tawhid. Dans la grotte souterraine avec Abu Bakr, lorsque l'ennemi les a rattrapés, et qu'Abu Bakr a dit au prophète sallam, Ya Rasulallah, si l'un d'entre eux regarde à ses pieds, il nous verra. Le prophète sallam, à nouveau en voyage, on a vu dans la visite du malade, dans la bataille, ici en voyage, dans la hijra, dans la difficulté et la crainte, qu'est-ce qu'il a dit à Abu Bakr? لا تحزن إن الله معنا. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste, certes Allah est avec nous. Il lui a rappelé le tawhid. Il lui a rappelé la nusra d'Allah Azza wa Jal pour le muahidin. Que le secours d'Allah Azza wa Jal, il est effectif sur qui? Sur les monothéistes. Et il lui a pas dit la takhaf, n'aie pas peur. Et il lui a dit ne sois pas triste parce qu'il connaissait Abu Bakr. Il savait que le souci d'Abu Bakr, c'était le prophète sallam. Ne sois pas triste, c'est-à-dire pour moi. Abu Bakr, il s'est oublié. Il pensait qu'à la sécurité du prophète sallam. C'est pour ça qu'il a dit la tahzan. Il n'a pas dit la tahaf. Il n'est pas peur pour moi, c'est Allah Azza wa Jal qui me défend. C'est Allah qui me protège. Et toi, comme tu es une personne plus sur le tawhid, tu as eu ma'ayatullah. Allah est aussi avec toi d'une manière particulière, c'est-à-dire qu'il te protège, il te défend, il te secourra. Et rien ne nous touchera, car nous sommes sur le tawhid. Ils sont arrivés sains et saufs à Medina. Sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu an, Abi Bakr al-Siddiq. Afdal hadhihi al-umma ba'da nabiyha. Donc, en voyage, visite du malade, et on a vu dans ce chapitre, dans les affres de la mort. Celui qui prétend être un prêcheur, wala yurakkiz ala at-tawhid, sa da'wa, elle ne se lèvera jamais chez Allah. Amma chez les gens, le fait d'avoir du monde, tu peux avoir énormément de monde. Wallah. Tu peux avoir des millions de personnes. Et aujourd'hui, avec Al-Wasail comme Internet, Facebook et des choses comme ça, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Des gens appellent à l'adoration du Shaitan, ils ont des suiveurs. Il n'y a plus rien d'étonnant. Donc ceux qui disent, oui, mais il y a du monde, oui, mais. Le prophète Arsallam était tout seul. Et il y a des prophètes qui vont venir tout seul. Il y a un prophète qui va venir tout seul, Yom Al-Qiyama. Qu'est-ce qu'on dit de sa da'wah? Le prophète Sallam a commencé tout seul. Et ensuite, il y a eu avec lui un esclave et une personne libre. Une femme et un enfant. Qu'est-ce qu'on va dire de cette da'wah? Allah musta'an, Allah musta'an, Allah musta'an. Donc voici le prêche qu'il faut adopter. Si les gens s'éloignent de toi, ma alik illa al-balagh. Qul al-haq bi'ilm wa hikmah. Wa tawakkal 'ala Allah, innaka 'ala al-haq al-mubin. Appelle les gens à la vérité avec science et sagesse. Puis c'est Allah Azza wa Jalla qui propage le bien dans le cœur des gens. Et qui décide de qui mérite la guider. Et si les gens s'éloignent de toi parce que tu dis la vérité, mieux vaut rester avec une minorité sur la vérité qu'être avec un grand groupe sur le faux. Et lorsque tu es même tout seul, mais alhamdulillah, tazalu ta'ifa, ala al-haq, on n'est pas seul, il y a toujours un groupe sur la vérité, ben sache que si tu fais partie de ce groupe, même si tu es tout seul dans ton pays, sache que tu as Allah Azza wa Jalla avec toi. Et si tu as Allah Azza wa Jalla avec toi, tu es le groupe imbattable. Et c'est toi Al-Jama'a. Comme a dit Abdullah ibn Saoud, même si tu es tout seul, c'est toi Al-Jama'a. Comment est-ce qu'après ça on va chercher le chiffre? Wallahi, qu'on fait des conférences et qu'on enseigne devant un nombre le plus grand que ceux qui nous enseignaient par moment. Alors qu'on est loin du niveau qu'ils ont. Et wallah que par moment, on cherche protection auprès d'Allah Azza wa Jal, quand on voit ce nombre-là, pour ne pas tomber dans la fitna qu'on a vu de nos propres yeux chez certains de nos frères, lorsqu'ils ont vu ce monde devant eux. Et cet amour qu'on leur donne du fait qu'Allah Azza wa Jal nous a caché nos péchés. Et wallah, thumma wallah, si les gens connaissaient nos péchés, ils auraient délaissé ces assises, du moins devant nous. Wa astaghfirullah wa atubu ilayhi min hadha dha'f. وأبرأ إلى الله عز وجل ممن غلا فينا ومن من تخاصم لأجلنا أو لأجلي أتكلم باسمي. Et sachez que la personne qui est sincère ne doit pas agréer l'exagération qu'on lui donne. Et on voit du monde dans ces assises, on remercie Allah Azza wa Jal qu'il y ait du monde qui vienne pour apprendre le tawhid et dans les assises de science. Néanmoins, et il ne faut pas exagérer sur la personne. Il ne faut pas exagérer sur la personne. Et wallah, et que vous aimez certaines personnes parmi ceux qui vous enseignent. Mais si Allah Azza wa Jal vous avait dévoilé les péchés de certaines personnes, que vous n'auriez pas pris la science, et qu'il n'y aurait pas eu ce monde dans ce masjid. Mais c'est une rahma de la part d'Allah Azza wa Jal, as-sittir. Wallah musta'an. Et on n'accepte pas que les gens se disputent pour nous. On se dispute pour la sunna du prophète, pour le din, pour le haq. Mais nous, qui sommes-nous pour qu'on se dispute pour nous? Et on n'agrée pas ce que font les gens sur internet. Des débutants qui rentrent sur internet, s'insultent les uns les autres. Eux sont avec tel groupe, eux sont avec telle personne. Subhanallah. Certaines personnes sont arrivées à insulter des grands ulama qui ont été يعني zakaw min kibali kibar ahli al-ilm. Certaines personnes sont arrivées à insulter ces grands savants. Pourquoi? Parce que mon ami c'est un tel. Parce que mon ami c'est un tel. Parce que mon cœur est habité par un tel. Ils se sont mis à insulter les savants de l'islam. Des gens qui, alors que tu n'étais même pas une goutte, ces gens-là étaient déjà partis en da'wah, en appelant tawhid. Ils avaient déjà écrit des livres. Ils étaient connus de grands savants comme Al-Albani, Ibn Baz et d'autres. Et aujourd'hui, tu trouves des gens qui insultent ces ulama, qui rabaissent ces ulama parce qu'ils exagèrent sur certains frères de France. Subhanallah. Subhanallah. Tu vas insulter Cheikh Rabi'a pour ses frères? Tu vas insulter Cheikh Rabi'a pour ses frères? Tu vas insulter Cheikh Rabi'a pour ses frères? Ha'oula, lahum shubuhat. ولا شكلنا التحذير منه مما يقرب العبد من ربه عز وجل. Et il n'y a aucun doute que de mettre en garde contre ces gens-là fait partie des choses qui rapprochent la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير ويجعلنا من أهل التوحيد وطلبة العلم حقا العاملين به. أسأل الله الحي القيوم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يشفي أمي ويفرج عنها وعن جميع مرضى المسلمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله الذي بيتتم الصالحات.